Chapitre 2e. Vasca représentait bien le type de l'homme marqué du sceau de la destinée. Employé comme ouvrier à l'usine d'Ensky, il y exerçait surtout l'industrie de voleur de bois. Une pareille spécialité s'explique très simplement. L'administration de l'usine possédait en toute propriété tous les champs et toutes les forêts, faisant partie de l'immense concession accordée à l'établissement. Donc, la population n'avait pas de forêt communale, partant pas de bois. Or, sans bois, chacun le sait, il n'y a pas moyen de vivre. C'est pourquoi, dans le village de la concession, la plus petite bûche qui s'y employait ne pouvait être que le produit du vol. C'est de cette industrie dont vivait Vasca tant bien que mal. L'hiver, il amassait des poutres et des bûches qu'il ramenait chez lui de la forêt avec l'aide de son petit traîneau. Lorsqu'il fut pris en flagrant délit et amené pour la première fois devant le juge de paix, Vasca, très étonné, répondit avec beaucoup de raison « Qui a planté cette forêt? N'est-ce pas Dieu? Donc elle est à tout le monde. En ce qui me concerne, je coupe des arbres, charge sur mon échine et les vends pour 80 copecs. Est-ce là un vol? Ma journée de travail ne doit-elle rien me rapporter? Il faut que nous mangeons du pain, n'est-il pas vrai, votre honneur? Que l'on me procure un autre travail avantageux et je le prendrai avec plaisir, mais du moment que je m'exténue comme un cheval, je ne suis pas un voleur. » Ces beaux raisonnements furent inutiles et Vasca ne tarda à parcourir toute l'échelle des châtiments. D'abord condamné par le juge de paix à l'amende, puis au séquestre, il fut traduit ensuite devant le tribunal du district et condamné à la réclusion dans une maison de force. Mais cela ne put le corriger. Dès sa sortie de prison, Vasca retourna à son industrie et cette fois, en application d'une loi nouvelle très sévère, il fut privé d'une partie de ses droits et privilèges et condamné à la déportation dans une province voisine. L'effet fut encore nul et Vasca parvint à s'enfuir de son lieu de déportation pour revenir en vagabond à Ensky. À la première fois qu'Alexandre Ivanitch se saisit de lui en cette qualité, il lui dit en riant et en le menaçant du doigt « Fais attention, Vasca, te voilà devenu maintenant mon filleul !» car c'est ainsi qu'il appelait tous les déportés en rupture de ban qui lui tombaient sous la main. Cet exploit valut à Vasca la privation entière de ses droits et la déportation dans une localité très éloignée. L'année suivante, il trouvait encore le moyen de revenir au pays natal. Découvert de nouveau par le commissaire, on lui infligea cette fois 3 ans de travaux forcés. Au bout de ce laps de temps, Vasca reparut encore chez lui, fut saisi de nouveau et comme force à évader, reçut des coups de fouet et vit la durée de son bagne portée à 10 années. « Tu es un imbécile, Vasca, » l'injuria le commissaire. « N'as-tu donc pas assez de place en Sibérie ou encore en Russie? En te disant sans papier de famille, là, le tribunal ne t'infligerait que la déportation, tandis que tu t'obstines à revenir ici. Vrai, tu es idiot. Chaque fois que tu reviens, chaque fois tu es arrêté. » « Alexandre Ivanitch, je ne puis vivre que dans mon pays, » répondit Vasca très sincèrement. « Autrement, j'ai l'âme déchirée. Et pourquoi donc est-ce que j'endure toutes ces souffrances? C'est à cause des forestiers. Oui, par Dieu, c'est vrai. Si la première fois, j'avais seulement eu 20 copecs à donner aux gardes forestiers, ils ne m'auraient pas adressé procès-verbal. Voilà la cause de tout. Et quand on pense à toutes les journées de travail perdues dans les prisons et dans les étapes, vrai, je n'ai jamais fait de mal, Alexandre Ivanitch. Inutile de raisonner comme un idiot comme toi, s'écria à son tour celui-ci. « Crois-tu donc que j'éprouve du plaisir à t'arrêter, imbécile? En voilà une affaire. Cela ne vaudrait pas la peine de se salir les mains à ton poignet. N'était mon chien de métier qui m'oblige à courir après de méchants petits voleurs comme vous autres. » À présent, en fait d'aptitude, Vasca ne savait plus que s'échapper de prison pour revenir obstinément au pays. Et cette faculté avait remplacé chez lui son ancienne industrie de voleur de bois. De même qu'il se croyait alors en droit de couper la forêt du bon Dieu, de même, aujourd'hui, il s'estimait libre de revenir au pays. Sa dernière fuite lui valut une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, puis 150 coups de fouet. Alexandre Ivanitch lui-même, qui avait tout vu dans sa vie et avait arrêté des centaines de vagabonds et de forçats, s'étonnait de l'invincible obstination de son filleul. Ainsi donc, Vasca avait reparu. Les mesures les plus énergiques furent prises à ce sujet par l'administration de l'usine conjointement avec le juge d'instruction. Quant au commissaire, il garda une position d'attente grâce à laquelle, n'eût été la situation tendue entre les deux autorités judiciaires, Vasca eût probablement pu errer encore longtemps en liberté, mais il était écrit que sa destinée fatale le poursuivrait. L'administration, voulant prouver qu'elle n'avait pas besoin des services du commissaire de police, n'usa que de ses propres ressources. Elle mit sur pied ses gardes forestiers, ainsi que la population de la commune. Comme Vaska avait été aperçu dans les environs de l'usine, une surveillance étroite fut établie à chaque route, tandis que des gardes forestiers à cheval parcouraient la forêt dans toutes les directions. Parmi eux se trouvait Kroustalev, armé d'un revolver. Par un matin d'été, comme il entrait dans la forêt la plus voisine de l'usine, il releva dans la rosée des traces encore fraîches attestant le passage récent d'un homme. Suivant leur direction, il aperçut bientôt de la fumée au milieu des arbres. Il s'arrêta, puis, regardant avec précaution à travers les branches, il distingua en effet un feu à côté duquel était assis un homme. « Ce doit être mon Vaska, » pensa Kroustalev, émoustillé par l'idée de toucher les 25 roubles promis par l'intendant de l'usine pour cette capture. Cependant l'homme, qui avait à son tour aperçu le garde, ne bougeait pas. Celui-ci, pour s'assurer, si réellement c'était bien Vaska qu'il avait devant lui, ainsi que pour gagner du temps et pouvoir s'approcher davantage, lui cria. « Et toi là-bas, comment t'appelles-tu? Ne vois-tu pas un homme à cheval? Et toi, chien de forestier, crois-tu que je ne t'ai pas reconnu ?» répondit Vaska en se levant. « Tu as envie de toucher les 25 roubles, n'est-ce pas? Arrête, forçat !» Vaska prit sa course, poursuivi par le garde. Pendant quelque temps, il put le voir entre les arbres, mais arrivé dans une clairière, il fut bientôt rejoint. « Halte, je vais tirer !»« Tire !» répondit Vaska, marchant droit sur son persécuteur, qui saisit à cet instant son revolver. Mais il n'avait pas encore pressé la détente que d'un bond, Vaska fondait sur lui et lui plantait son couteau dans le ventre. Kroustalev poussa un cri de douleur et roula à terre, tandis que Vaska, sautant sur le cheval, s'enfuit à toute bride. Le cadavre du forestier ne fut retrouvé que 3 jours après. Tout le monde fut persuadé que c'était bien l'œuvre de Vaska, bien que jusqu'alors on n'eût pas remarqué chez lui des aptitudes spéciales dans ce genre.